L'invasion. De contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'invasion. À Madame Emma Fleury. Des barbares avaient conquis une contrée. Ils l'avaient tout d'abord au pillage livrée, détruisant tout pouvoir et tout ordre normal, mettant les biens à sac et les femmes à mal. Il ne resta plus rien de l'ancienne patrie, mais la veine d'amour ne peut être tarie. Elle réunira les éléments divers dans un besoin commun de peupler l'univers. Le sauvageon greffé sent le fruit qu'il élève, se gonfler en perdant l'âpreté de sa sève. Si vous vous demandez lequel a survécu, du farouche vainqueur ou de l'humble vaincu, c'est une question de savoir si nous sommes plus ou moins les enfants des femmes ou des hommes. Répondez, vous, issus de semblables parents, sommes-nous des Gaulois ou sommes-nous des Francs? Ainsi, dans le pays des beaux-arts et des lettres, de hardis conquérants se proclament nos maîtres. Ils n'ont respect de rien, ils font cendre de tout, violent la consigne et la règle et le goût. Puis la race barbare et la civilisée forment en s'accouplant une race croisée. La raison en exil rentre dans le cerveau, le bon sens de soi-même a repris son niveau. Les enfants conservant la vigueur de leur père revendiquent aussi la douceur de leur mère. Le torrent débordé s'est fait fleuve mouvant, et le globe rassis tourne comme devant. Fin de l'invasion, enregistrée par Margot.